Viva Victoria. Ce qui n'a le bac na koyemba na papa. Et ben voilà, grâce à Santana, maître Mongo. Chrysalema chante avec les grands-pères Bozi Boziana. Bana ya rondo magie, bana ya rondo magie, bana ya rondo magie, bana ya rondo magie. Yoka sa mekunku na lami yake. Bana ya rondo magie, bana ya rondo magie, bana ya rondo magie, bana ya rondo magie. Abdallah Mafula ayan ke basi balati ba planifié na téléphone. Merengue toujours à la page, na vitesse Android. Les lomo kolo sabata. C'est soir et c'est chaud. Na yo ki posa na bima. Na mon amango. Mon ami, Chris Junior, listen to your daddy. Métropolitain, ya monda si kaba grandi la pour sampata. On était na stats kole kalisa si aligini. Ibana bana magie. Yalanda. Ils ont de très belles voitures. Ma femme, ma moto. Ma fou, ma stomp. Weekend, allez-là. Tout le monde, everybody, Bantonio, you're welcome this week. Le lomo, colo, moi, et sengo, tola, taba, pièce, rara. Loku, mouna, bana, l'ombre. Oui, c'est bien. Yo, yo, yo. Ma chérie, botte les mains, botte où. Yo, yo, yo. Antonio Pinto. Ma grife, oya, somo, yo, yo. Bana magie escorte, la mise à mi-temps. Venez me sala qui mon aîné. C'est la qui Anthony Joshua, ma sécurité. So qui Michael Jackson a zala qui vivant. Chakito Chai. Mais les koutou abeta qui musique ensemble. Yena Satana. Mon ami papi qui banda somba lelo la talelo. Satana maître Mongo. Satana maître Mongo. Yoda Mundele. Punta, ya mata, ya kubama, za kwenda. Chaba kita. Eye ni wana kanwini, lusene, lusene, baka nwini. Oh, oya Satana Mongo kaliata kila sikama kiozi. Oh, yo, sikama kiozi. Atambola karazelea poto poto maboko na pozite. Nekule. Satana, metwe Mongo. We. Uwehe Burkina Faso. Papa Wimba le Kourou. Et King Kes bomboka na yalola Brice Moba Jipe Batiki Kine Pengi Oye yo kokoto kwanke na kanata kimioruko Akanata mara kanata nge kanata monumo tudia kangwa Ege kisegi Kalama yalala nika fanila papa Richard Lukoki Kalama yalala Yoel Kurandoza Elanda Kumisa Italia Parma Lelo yonto yembela Lugo kapaya mpere duble Jacques Mimbanga Claude Mombembe Menem Pidi Zidane Fikula Congotis La Liboté Tonto Yalala Lomonko La Présidente Emelo Kake Naraba Yondo Sista Na Paris Leki Atosta en Suisse Noske Madina Orni Lampimbo Mikande Kwein Chimbanka Dibwa Mimi Tongwa Bibi Wifi Ilunga Mbe Bidika Papi Bayanda Na Kwenda Mikande Long Bosa Ye Bandi Papi Emisi Mbanya Nyansa Na Collection Na Ndende Na Ye Mbebe Ya Ancetre Vivance Desi Tangwe Richard Mavoka Bibi Shekia Lain Sur Sedi Fi Fia Yipi C'est ça et c'est chaud La Banzi Oyoki.